t'imagines? Que fais-tu de ta vie? Qui est près de toi? Que j'aimais, qui brûlait. J'imagine ton corps, j'imagine son corps, et je sombre dans ma folie. Fou d'amour, je suis devenu fou d'amour. Assouvi, asservi.